Chapitre 17e. On se dispersa après le déjeuner. Demeurée seule, Anna se dirigea lentement vers la forêt. Elle éprouvait le besoin de méditer à loisir sur les événements de la matinée. Tant mieux qu'elle soit aussi heureuse, pensait-elle, réfléchissant à la joie exubérante témoignée parfois au von Treumann. Elle est ici uniquement pour être heureuse. Je n'avais pas d'autre intention en les appelant que de faire son bonheur. Et si Carlton lui est indispensable, il est clair qu'il faut lui donner Carlton. Mais pourquoi donc l'idée de son arrivée m'est-elle si odieuse? Elle marchait vite, absorbée, les yeux à terre. L'état d'âme dans lequel elle avait chanté son magnificat quelques heures plus tôt était absolument modifié, changé du tout au tout. Quant au charme de sa radieuse matinée d'avril, il semblait évanoui sans retour. Tandis qu'elle s'absorbait dans ses réflexions au sujet de ce fils, attaché inopinément à l'établissement féminin, elle eut tout à coup la sensation de n'être plus seule dans le sentier ombrageux. Devant les yeux, elle vit M. Delhomme debout devant elle. « Si pensive, » dit-il, souriant de la voir tressaillir. Anna s'étonna de le rencontrer. Elle n'avait pas passé plusieurs heures chaque jour à parcourir la propriété avec des ailes vides, dans une carriole dénuée de ressorts, sans avoir appris que la saison était venue de planter les pommes de terre. Pourquoi, en ce cas, M. Delhomme n'était-il pas chez lui en train de planter les siennes? « Et vos pommes de terre ? » répliqua-t-elle en souriant aussi. « Une vraie question de propriétaire, » fit-il amusé. « Au lieu de perdre votre temps en vaine formule de politesse, vous allez droit au but, mes pommes de terre. Mais comme je ne crois pas du tout que ces pauvres tubercules vous intéressent, je ne vous en dirai rien. » « Avouez que vous trouvez que je serais mieux à ma place dans mes champs que dans vos bois. »« Peut-être bien, » fit Anna en riant. « Apprenez, mademoiselle, que je ne suis pas aussi désœuvrée que j'en ai l'air. Je reviens d'étudier ce fameux terrain. Pour les briques, hein, eh bien, la glaise ne vaut rien. Pourquoi diable Delvig vous pousse-t-il à cette entreprise ?»« Je n'en sais rien, mais il en est entêté, si vous l'aviez entendu hier soir. Vous n'avez pas cédé, j'espère. Pas d'un pouce. » Je lui ai dit que je demanderais d'étudier la question, sur quoi il est devenu positivement impoli. Je crois qu'il faudra qu'il s'en aille. Axel sourit. Comme voilà brave. Où sont vos terreurs d'hier soir? Hier soir, j'étais fatigué. Le matin, il ne me fait plus peur. Je ne veux plus le recevoir le soir. C'est une terminaison trop pénible pour un jour heureux. La journée d'hier, alors, fut heureuse? Demanda-t-il vivement. Oui, sans doute. Certes, oui. J'aurais été heureuse si... Si nous n'avions pas été tout un peu lasses. Ah, mais les autres, vos dames, sûrement elles se sont montrées satisfaites. Oui, évidemment, répliqua Anna, hésitante. Je suis sûre du moins que Fräulein Kuhraub aurait été contente, par saccade. Et les deux autres aussi, mais la fatigue du voyage. À propos, vous rappelez-vous ce que je vous ai dit au sujet de la famille Elmreich? Oh oui, vous avez dit des choses abominables. Sa voix s'altéra. « Abominable? Je ne sais. Il me paraît en tout cas indispensable que vous soyez instruite de certains faits. Ce baron Elmreich, dont je vous ai parlé, avait une sœur qui a mal tourné. Je l'ai vue quelquefois à Berlin. Elle danse dans un bal public. « Pauvre fille, mais qu'est-ce que cela peut bien me faire ?» demanda Miss Escorde, soudain hautaine. « Vous voilà bien fâchée. Pourquoi cette personne ne dansera-t-elle pas si le cœur lui en dit? N'entend-on pas tous les jours parler de gens qui finissent au théâtre ?» Au théâtre passe encore, mais un casino, et comme danseuse. Vous admettez d'ailleurs, je le constate avec plaisir, que c'est une fin. Mon Dieu, on ne peut guère rappeler cela un commencement, concéda Anna. Cette danseuse présente une telle ressemblance avec votre baronne, si celle-ci mettait du rouge et se teignait les cheveux en jaune, que vous en avez conclu sur le champ qu'elles doivent être sœurs. Merci. Mais dans quel but me dites-vous cela, s'il vous plaît? Elle tourna vers lui des yeux étincelants. Axel la regarda avec un sourire indulgent. Il lui semblait voir une colombe essayer de se mettre en colère. « Voyons, continua-t-il, pourquoi m'en vouloir lorsque j'essaie de vous prévenir d'un danger? Si votre baronne est vraiment la sœur de la baronne dansante... »« C'est ce qu'elle n'est pas. Elle n'a ni frère ni sœur. Elle me l'a répété hier soir et me l'avait déjà dit dans ses lettres. Si vous trouvez que vous jouez un beau rôle, vous évertuant à découvrir quelque chose de fâcheux dans l'histoire d'une femme très pauvre et très malheureuse... « Je ne le trouverai en aucune manière, » s'écria Axel avec feu. « En tout autre cas, je laisserai la pauvre fille bien tranquille. » « Mais, » ajouta-t-il en la suivant, car elle s'était remise en marche à grands pas, « pensez un peu à votre situation. si seul, si inexpérimenté, loin de votre pays, loin des vôtres, et vous improvisant directrice d'un refuge pour dames sans asile. Il faudrait vous montrer féroce pour les antécédents de celles que vous admettez. Songez un peu à votre embarras, s'il était certain que ce ne sont pas des personnes recommandables. Elles sont tout ce qu'il y a de plus recommandable, répliqua Anna, regardant droit devant elle, avec une sœur qui danse en maillot au jardin d'hiver. Ne vous ai-je pas dit qu'elle n'avait pas de sœur ? Axel, impatienté, ne put s'empêcher de hausser les épaules. La ressemblance est tellement frappante qu'elle pourrait être jumelle. Et vous en concluez qu'elle a menti. À quelle autre conclusion puis-je arriver ? Anna s'arrêta court. Eh bien, si c'était vrai, prouvé, 100 fois prouvé, si elle avait vraiment une sœur qui menaçait de vie, savez-vous ce que j'éprouverais envers elle ? Une juste indignation, je me plais à le croire. Je n'en aimerais que davantage. Oui, je l'aimerais 2 fois plus. Pensez donc à sa honte, à sa douleur. Pauvre, pauvre fille, se croire obligée de mentir pour essayer d'échapper à un opprobre si cruel, si immérité, de supporter son humiliation et son chagrin seul, sans un appui, une consolation. Sans doute, elle aimait son frère, elle aimait sa sœur. Remarquez bien d'ailleurs que je ne crois pas un mot de tout cela. Mais quand ce serait 1000 fois vrai, je vous défie de me donner une seule raison qui m'oblige à l'abandonner. » Elle le regardait dans les yeux, les siens brillants de larmes. Monsieur Delhomme se tut. Que répondre si elle sentait ainsi ? Jamais je n'ai pu comprendre, reprit Mrs. Court avec feu, pourquoi les innocents doivent souffrir des fautes des coupables. Croyez-vous par hasard qu'il soit agréable d'avoir un frère qui se suicide, une sœur qui se fait montrer au doigt ? Mais s'ils font ces choses affreuses, faut-il encore, pour ajouter à son malheur, qu'il se voit repoussé de tous comme une pestiférée ? Est-ce bien ? Est-ce juste ? Est-ce conforme à la charité chrétienne ? Non, certes non. C'est dur, c'est cruel. Mais c'est dans la nature des choses. Une femme âgée, occupant une haute situation mondaine, pourrait peut-être se charger d'une malheureuse fille dans des conditions pareilles, la consoler, la soutenir, l'aimer comme vous vous proposez de le faire. Mais une jeune fille n'a rien à voir avec ces choses-là. » Anna se détourna avec pétulance. « Si vous persistez à traiter la question au point de vue jeune fille, nous ne nous entendrons jamais. » s'écria-t-elle. « Laissons cela. Que toute la parenté de ma pauvre petite Elsa danse ou non, que nous importe ? Votre petite Elsa ?» Oui, la baronne, nous avons décidé de ne donner de nom de baptême, puisque nous sommes sœurs désormais. » Monsieur Delhomme haussa les sourcils sans répondre. « Si mon plan réussit, on ne pourra pas dire que c'est grâce à vos encouragements. » s'écria Anna, les joues en feu. « Ma chère Miss Estcourt, non, non, je vois bien ce que vous pensez. »« Ce que je pense ?» s'écria Monsieur Delhomme avec une chaleur subite. « Je pense que votre plan est très beau, et qu'il ne pouvait être conçu que par un grand cœur et une belle nature. » « Voilà ce que je pense. »« Oh !» fit Anna interdite. Elle rougit de plaisir et de surprise. Le ton, plus encore que la louange, l'avait touchée. « Quel dommage que nous nous fâchions toujours quand nous causons ensemble » s'écria-t-elle en levant sur lui ses yeux rayonnants. « Soyons amis, voulez-vous ? Soyons de bonne humeur. C'est si bon d'être de bonne humeur. » Elle lui tendait la main, souriante. Il la prit et la serra avec une force dont il avait à peine conscience. Sans que Miss Estcourt s'en doutât, son compagnon luttait contre une tentation presque irrésistible, celle de la prendre dans ses bras, de la serrer sur son cœur, de lui donner des baisers, les noms les plus tendres, de ne plus la libérer qu'elle n'eût promis d'être sa femme. Mais il luttait très énergiquement, car il se rendait bien compte que l'état d'esprit d'Anna en ce moment l'éloignait tout à fait d'aucune idée d'amour ou de mariage. S'il parlait, c'était fini entre eux. Il pâlit un peu, et enfonça ses mains dans ses poches d'un geste brusque. « Oui, votre plan est beau, » reprit-il après un temps, « mais il a un tout petit défaut, il n'est pas pratique. Et la nature qu'il a conçue est, je le répète, belle comme lui. Et tout aussi peu pratique. » Souriant, il abaissa sur elle un regard très tendre. « Je sais que je ne m'y prends pas toujours bien, » confessa-t-elle, « si seulement vous vouliez vous mettre de mon parti au lieu d'aller fouiller le passé de mes pauvres sœurs. Personne ne m'aide comme il le faudrait. » La princesse Ludwig est une femme entendue et de grand sens. Elle doit vous être très utile. La princesse est parfaite. Mais elle aussi ne veut voir que le côté terre-à-terre des choses. S'il est vrai que je ne suis pas assez pratique, on pourrait lui reprocher de l'être trop. Voyons, du moment que ces pauvres dames sont arrivées, installées, ne pensez-vous pas qu'il faut accepter l'inévitable et considérer le temps des investigations comme passé ? Je ne les abandonnerai pas, maintenant que je les ai adoptés. Renonçons donc aux enquêtes, aux révélations et aux gronderies, voulez-vous? Tout cela ne change rien à mes décisions et ne sert qu'à me fâcher contre vous. Et c'est dommage. Je suis d'humeur paisible, moi. Je vais m'être en paix avec mes voisins. Il n'y a rien que je ne fasse pour leur complaire. Après, fit-il comme elle s'arrêtait, car si je ne m'abuse, ceci n'est qu'un préambule. Tout juste, un préambule pour vous annoncer Carlton. Carlton ? Elle le regarda, riant un peu nerveusement. Je le crains. Carlton est déjà ou va bientôt se mettre en route pour venir vous voir. Et qu'est-ce que ça peut bien être que Carlton ? Le fils unique de sa mère, qui était une veuve. Il s'arrêta court. Impossible, s'écria-t-il. Frau von Treumann vous a demandé d'inviter son fils à Kleinwald. Mon Dieu, demandez, pas exactement. Mais elle a eu de lui une lettre navrante ce matin, il semblait si malheureuse, elle pleurait tant que j'ai cru devoir. Axel demeura silencieux. Ce n'est pas que je meure d'envie de voir Karlchen, je vous assure, murmura Anna un peu timidement. Sans un mot, M. Delhomme s'était mis à creuser des trous dans la mousse du bout de sa canne. Mais naturellement, pour sa pauvre mère, et aussi pour lui, M. Delhomme était si occupé qu'il ne trouva rien à dire. Ils sont tous l'un pour l'autre, à ce qu'il paraît, continua la pauvre Anna. En vérité, fit Axel en se redressant, puis replaçant la mousse avec son talon, voilà la première fois que j'entends parler d'une affection si touchante entre deux Treumann, dit-il froidement. Que vous ont-ils fait, ces pauvres Treumann? À moi, rien au monde. Mais c'est une de ces familles de Prussiens de l'Est, intrigants et besogneux, qui ne reculent devant rien pour arriver. On connaît forcément les caractéristiques du genre. Qu'est-ce que c'est que ce garçon? Que fait-il? Il est officier à Rislar. À Rislar? Oui, il y a un régiment de hussards. Désirez-vous que je prenne des informations sur lui? Oh non! À quoi bon? C'est tout à fait inutile. Sa mère ne peut se passer de lui, donc il faut l'accepter. Du moment que mes services vous seront inutiles pour une enquête, puis-je vous demander dans quel but vous me parlez de lui? J'aurais voulu savoir si vous pensez, si vous croyez qu'il viendra souvent. Je ne doute pas un instant qu'il vienne aussi souvent que cela lui sera possible, répliqua nettement M. Delhomme. Anna soupira. Ils poursuivirent quelques instants leur chemin en silence. Avez-vous réfléchi, reprit enfin M. Delhomme, à ce que vous ferez si vos autres sœurs ne peuvent, elles non plus, vivre séparées de leur famille? À la Noël, par exemple. Noël est un temps de liesse, de réjouissance, où les cœurs plus endurcis s'amollissent et se réchauffent. Des amis, des parents, depuis longtemps des accords, se rapprochent à cette date bénie pour invoquer avec larmes la voix du sang, à plus forte raison ceux qu'aucune brouille n'a séparés. Et le jour de naissance? Ignorez-vous que c'est une époque solennelle chez nous? Pouvez-vous demander à vos douceurs de célébrer le leur dans la solitude, éloignée de ceux qui leur sont chers? Ce serait cruel. Vous en aurez désormais un par mois à fêter Kleinwald, pensez-y. J'ai bien assez de penser à Carlton pour le moment, s'écria Miss Estcourt énervée. Un courant bord mal, continua Axel rêveur, la canne derrière le dos et le regard vers la cime des arbres. Je gage que vous ne soupçonnez pas ce que peut être un courant bord mal. Il n'y en a pas, s'écria vivement Anna. Du moins, Fräulein Courant-Bord me l'a assuré, ajouta-t-elle. Elle m'a dit être absolument seule au monde, sans un parent, proche ou éloigné. Mais peut-être en avait-elle oublié un ou deux. Elle se les rappellera en temps et lieu. Mon Dieu, si seulement, elle voulait me dire la vérité, l'humble vérité. Renoncer à ses cachotteries, ses subterfuges. Ainsi pour Carlton, je croyais avoir tout prévu, tout arrangé dans notre correspondance, et maintenant... Elle s'arrêta court et se mordit la lèvre. Est-ce qu'elle allait critiquer ses sœurs et avec Axel par-dessus le marché? Nous voici près de chez vous, dit-elle, se reprenant avec effort. J'aperçois les toits rouges de vos écuries. Je suis presque dans vos domaines. Elle demeura un instant immobile, le regard pensif et un peu triste. Comme les paroles sont vaines, s'écria-t-elle tout d'un coup avec un de ces mouvements spontanés qui lui donnaient un si grand charme. Nous avons beau nous parler, nous n'arrivons pas à nous entendre. Il faut toujours expliquer, et les explications n'éclaircissent rien. Je ne parle pas seulement de vous et de moi, c'est ainsi toujours avec tout le monde. Cette idée fait de la peine, ne trouvez-vous pas? Allons, adieu. » Elle lui tendit sa main. « Non, » fit-il en la prenant et la retenant fortement dans les siennes. Puis, d'une voix altérée qu'elle ne lui connaissait pas, « Attendez, demeurez, écoutez-moi. Pourquoi repoussez-vous mon aide? Ne voulez-vous pas que je cherche la vérité avec vous? Pourquoi ne pas me traiter en ami? Ah, si vous le vouliez bien. Ce voile qui est entre nous, cette inhabileté à se comprendre, à se pénétrer, qui est en effet une des infirmités de notre pauvre nature humaine, comme il se lèverait, se dissiperait, comme nous pourrions nous entendre, nous deux, quels amis nous ferions. » Il s'interrompit brusquement et laissa retomber la main fraîche qu'il avait gardée dans les siennes. La passion flambait dans ses yeux et il ne lisait que surprise dans le regard limpide qu'Anna levait sur lui. « Je vous demande pardon, » reprit-il de son ton habituel. « Je crois, Dieu me pardonne, que je suis en train de vous faire une scène. Excusez-moi de penser et d'oser vous dire que vous ne menez pas votre entreprise de façon très rationnelle. Vous avez raison, on a beau parler, on ne s'entend guère. J'ajouterai même que plus on parle, moins on s'entend. Le monde est mal fait, et chacun de nous y est terriblement isolé. » Soulevant son chapeau, il s'éloigna à grands pas. Anna ouvrait la bouche pour lui répondre, mais déjà il avait disparu dans la futaie. Elle rentra, pensive, méditant non sans mélancolie sur les éruptions inattendues de certains volcans.